La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, la montagne ou la forme du monde. En 1806, l'un de nos plus grands écrivains fit un voyage du côté du massif du Mont Blanc. Après avoir marché jusqu'au Montant Vert, ce haut lieu qui domine la mer de glace, à 2000 mètres d'altitude, il écrivit ceci. On dit que les montagnes sont le séjour de la rêverie. J'en doute. Je doute qu'on puisse rêver lorsque la promenade est une fatigue ou lorsque l'attention que vous êtes obligé de donner à vos pas occupe entièrement votre esprit. L'amateur de la solitude qui bâillerait aux chimères en gravissant le Montant Vert pourrait bien tomber dans quelques puits comme l'astronome qui prétendait lire au-dessus de sa tête et ne pouvait voir à ses pieds. Et notre écrivain de continuer, « Si nous en croyons Rousseau et ceux qui ont recueilli ses erreurs sans hériter de son éloquence, quand on arrive au sommet des montagnes, on se sent transformé en un autre homme. Plût à Dieu qu'il en fût ainsi, qu'il serait doux de pouvoir se délivrer des maux en s'élevant de quelques toises au-dessus de la plaine. Malheureusement, l'âme de l'homme est indépendante de l'air et des sites. Un cœur chargé de sa peine n'est pas moins pesant sur les hauts lieux que dans les vallées. » Fin de citation. Avez-vous deviné qui est cet écrivain que le spectacle de la mer de glace, de l'aiguille verte et des grandes jorasses a pu laisser de marbre et a même rendu grincheux? Je vous le donne en mille, Chateaubriand. Je sais bien qu'il ne faut pas trop discuter des goûts et des couleurs, mais comment comprendre une telle réaction de la part d'un homme sensible qui découvrait là l'un des plus beaux paysages qui soit? Je ne vois que trois hypothèses. Soit il n'était pas sensible à la beauté de la nature, quelle qu'elle fût. Soit il avait le mal de Saint-Malo, c'est-à-dire une sorte de mal de mer. Soit il y avait ce jour-là un sacré brouillard à Chamonix. Mais au fait, d'où vient que la plupart des autres humains aiment marcher en montagne? Pour répondre à cette question, j'ai invité Belinda Cannon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes romancière, essayiste, vous enseignez la littérature comparée à l'université Caen Normandie. Et vous êtes marcheuse, oui. Marcheuse en montagne. Alors, Chateaubriand, que je viens de citer, j'imagine que vous ne vous sentez pas proche de lui. Non. Mais est-ce que vous pouvez le comprendre? Non. Non. Non, c'est-à-dire que ce que je peux imaginer, c'est que quand on est trop plein de soi-même, on a du mal à s'oublier, à sortir de soi pour être suffisamment dans le paysage ou dans les paysages qu'on traverse. Mais pourtant, Chateaubriand, il n'était pas insensible au paysage. Il a fait des descriptions de paysages magnifiques. Il y a des gens qui ont peur en montagne, qui n'arrivent pas à se libérer de cette peur et du coup, ils sont emprisonnés. Oui, il y a des gens qui détestent la montagne, en fait, qui sont impressionnés, qui sont mal à l'aise devant la montagne et devant cette grandeur qui élève certains et qui, au contraire, écrase d'autres. Donc, Chateaubriand fait partie de ceux qu'elle écrase, mais... Alors, Belinda Cannon, vous venez de publier un livre qui s'intitule « La forme du monde », et sur la couverture, on voit un dessin de montagne. C'est un livre qui est paru dans une collection dirigée par Fabrice Lardreau, une collection qui s'appelle « Versant intime ». Et dans ce livre, vous dévoilez l'intimité qui vous relie à la montagne. Et quand je parlais de Chateaubriand et de ce texte dans lequel il cite Rousseau, vous-même vous rappelez un texte de Rousseau que je me permets de lire. C'est un texte qui se trouve dans la nouvelle Héloïse. Voilà ce que dit Rousseau. « Ce fut là que je démêlais sensiblement dans la pureté de l'air où je me trouvais la véritable cause du changement de mon humeur et du retour de cette paix intérieure que j'avais perdue depuis si longtemps. En effet, c'est une impression générale qu'éprouvent tous les hommes que sur les hautes montagnes, où l'air est pur et subtil, on se sent plus de facilité dans la respiration, plus de légèreté dans le corps, plus de sérénité dans l'esprit. Les plaisirs y sont moins ardents, les passions plus modérées. Les méditations y prennent je ne sais quel caractère grand et sublime, proportionné aux objets qui nous frappent, je ne sais quelle volupté tranquille qui n'a rien d'âcre et de sensuel. Il semble qu'en s'élevant au-dessus du séjour des hommes, on y laisse tous les sentiments bas et terrestres, et qu'à mesure qu'on approche des régions éthérées, l'âme contracte quelque chose de leur inaltérable pureté. On y est grave sans mélancolie, paisible sans indolence, content d'être et de penser. » Ça, vous comprenez? Ah, ça, je comprends très bien. Et c'est vraiment la conception du bonheur de Rousseau qu'il a déjà évoqué à propos d'autres situations, notamment par exemple dans les rêveries, lorsqu'il évoque ses promenades et les moments où il est sur le lac de Bienne, où il se laisse aller au bonheur d'être, tout simplement, au bonheur d'exister, et qu'on retrouve ici à propos de la montagne. Et Rousseau, bien plus intéressant que Chateaubriand là, sur cet aspect-là, parce qu'il est l'un des premiers justement à essayer de dire que la montagne nous transforme. D'abord, dire la beauté, le sublime même de la montagne, et que la montagne nous transforme. C'est ça qui est frappant dans ce que vous avez lu de Chateaubriand, c'est qu'il estime que la montagne ne peut rien pour nous. Mais peut-être que la montagne ne peut rien pour l'âme, mais elle peut beaucoup pour le corps-esprit. Et lorsqu'on se considère comme un corps-esprit, c'est-à-dire non seulement un esprit qui va, mais aussi un esprit qui est incarné, qui est matérialisé dans un corps, alors la montagne peut beaucoup pour nous, et elle nous transforme en effet. Vous mettez un tiret entre corps et esprit, ça veut dire qu'ils ne sont pas séparables ? Voilà, un peu comme l'espace et le temps chez Einstein. Exactement. Je ne crois pas qu'on puisse penser rien qui concerne seulement le corps ou seulement l'esprit. C'est vraiment un tout mêlé, fondu, et à tout moment, c'est ce qui est sollicité, le corps-esprit. En exergue de votre livre, Belinda Cannon, vous citez un haïku. « Va doucement, petit escargot, tu es sur le Fuji, le mont Fuji ». Oui. Ça veut dire que pour vous, la montagne est associée à une forme de lenteur ? Absolument. La montagne, c'est une expérience du temps, à bien des égards, et notamment une expérience de la lenteur en soi. Je le dis pour moi-même, c'est presque une injonction à moi-même d'aller doucement, parce que je vais toujours trop vite. Et la montagne est vraiment l'occasion de retrouver cette lenteur qui est nécessaire à la fois à l'émerveillement, et un sentiment qui permet de vraiment regarder, de se projeter à l'extérieur de soi. Donc j'imagine que vous n'aimez pas le ski, ni la glisse. Rien, je n'aime aucun sport de glisse, ni en fait. Ni même l'alpinisme. Non, je n'aime pas l'alpinisme. Alors là, je retrouverai Chateaubriand, c'est-à-dire que je pense que l'alpinisme demande un effort et une attention au mouvement que l'on fait aux progressions, etc., qui interdit ce que j'aime dans la montagne, c'est-à-dire la plongée en soi-même. Qu'est-ce que vous pensez des trottinettes électriques? C'est une aberration, les trottinettes électriques. Ça me fait vraiment beaucoup de peine de voir tous ces jeunes gens avec des corps vigoureux qui, au lieu de les activer, de les faire marcher dans la ville, au contraire, se laissent glisser électriquement dans la ville. Vous écrivez dans votre livre « La manière dont nous tirons plaisir de notre corps est un puissant révélateur de notre personnalité oui. ». Est-ce que ça veut dire que le sport qu'on choisit révèle cette personnalité? Et est-ce que ça veut dire aussi que lorsque vous regardez une personne marcher, en montagne par exemple, vous êtes capable d'induire la personnalité de cette personne? Non, pas du tout, mais je crois qu'en effet, je ne vais pas me répéter, voyons voir, je crois que la manière dont nous tirons plaisir de notre corps, c'est-à-dire ce qui nous plaît, la manière dont nous rencontrons l'exercice, je dirais, avec notre corps, révèle des aspects très profonds de la personnalité. Non pas tant une allure qui révélerait quelque chose, mais choisir l'alpinisme ou la marche, choisir un sport de glisse ou au contraire la marche, puisque c'est de ça qu'il est question en tout cas, je pense que ça dit quelque chose sur la personnalité de celui qui fait ses choix. J'ai l'impression que vous êtes un peu spinoziste, c'est-à-dire vous refusez de séparer le corps et l'âme. Absolument. Spinoza écrit « Les parties composant le corps humain n'appartiennent à l'essence du corps lui-même qu'en tant qu'elles se communiquent les unes aux autres, leurs mouvements, et non en tant qu'elles pensent être considérées comme des individus, abstraction faite de leur relation au corps humain. » Donc il y a une sorte de totalité, on ne peut pas séparer l'âme du corps. D'ailleurs, Spinoza se pose la question « Que peut le corps? Que peut un corps ?» et il dit « Personne n'en sait rien ». Parce que justement, on ne sait pas comment l'esprit et le corps sont couplés. Eh oui, c'est ça. Exactement. Et puis bon, je suis spinoziste aussi par cette recherche du bonheur dont Spinoza fait un devoir à tout un chacun. Et moi aussi. Et donc, qu'est-ce qui vous a amené à la montagne? Est-ce que c'est votre famille qui vous y a conduite enfant ou... Non, moi je suis méditerranéenne par mes origines et par les lieux où j'ai vécu, et donc j'étais plutôt vouée à la mer, si je puis dire, et un jour on m'a invitée vers 16 ans, on m'a invitée à la montagne d'hiver, et la haute montagne, et là j'ai découvert la montagne, c'est-à-dire je l'ai vue. Et la voyant, j'ai été saisie par le sentiment du sublime, je crois que je ne l'avais jamais éprouvé encore à ce point, ou jamais peut-être du tout même, et j'ai été saisie par la beauté extraordinaire de la montagne. J'ai gardé un souvenir très vif que je raconte dans le livre, un souvenir très vif de cette première vision de la montagne. Et à partir de là, j'y suis en effet retournée l'année suivante, en été cette fois, et j'ai découvert que j'aimais la montagne d'été, en fait, pour pouvoir marcher, justement. Et je crois que c'est vraiment la beauté de la montagne. Et quand je dis la beauté, encore une fois, je crois que c'est un spectacle sublime, vraiment, qui est beaucoup plus grand que... Vous faites une différence entre le beau et le sublime ? Oui, vraiment. Je prends sublime au sens de Burke, le philosophe, c'est-à-dire quelque chose qui est beaucoup plus grand et presque effrayant que le beau. Qui se rapproche de l'idée de la mort, d'ailleurs, non ? Plus que la beauté ? Peut-être. C'est qui donne le sentiment à la fois de l'éternité, mais aussi de l'éphémère, de l'instant qui fait contempler le sublime. Oui, voilà, c'est ça. Il y a quelque chose dans le sublime qui est beaucoup plus grand que toutes les considérations humaines que nous pouvons, avec lesquelles nous vivons ordinairement. Alors, dans le livre, vous parlez en effet d'un choc, celui que vous avez éprouvé en voyant pour la première fois des montagnes, des hautes montagnes. Et ça me fait penser à ce que dit Henri Maldinet à propos du Cervin, qui est une montagne un peu aberrante, parce que le Cervin est entouré de plaines. Enfin, en tout cas, quand on le regarde depuis une certaine direction, on ne voit pas de montagne autour de lui. Il apparaît là comme une sorte d'absurdité géologique. Et dit, il n'y a pas de différence entre sa présence et son apparition. C'est donc un phénomène pur. Il se découvre de soi-même à partir de rien. Il s'impose sans qu'on comprenne d'où il vient. Oui, c'est ça. Et, mais il y a de cet effet-là dans toute montagne, je crois. C'est-à-dire que, et en même temps, vous dites que voir la montagne, ça donne l'idée d'un temps long. Parce qu'on sait que les montagnes n'ont pas toujours été là. Elles ont donc une histoire, un devenir qu'on ne perçoit pas à échelle de temps humaine. C'est ça. C'est une des manifestations du monde qui vit sur une temporalité dont nous n'avons aucune idée. C'est-à-dire, nous ne voyons pas, nous n'avons pas vu naître les montagnes, nous ne les verrons pas disparaître, nous ne les voyons pas croître quand elles croissent, comme les Alpes. C'est-à-dire, toute temporalité liée à la montagne nous échappe entièrement. En même temps, pour revenir à Maldinet, je crois qu'il y a dans l'apparition de la montagne et dans la forme de la montagne quelque chose qui échappe même à notre perception. C'est-à-dire, c'est un événement infiniment renouvelé. Vous pouvez regarder la montagne, vous ne la reconnaissez pas. Dès que vous fermez les yeux une seconde et que vous les rouvrez, c'est une nouvelle fois une découverte. Et c'est rare, les éléments, enfin les choses que nous pouvons regarder dans le monde qui nous surprennent sans cesse et dont, je dirais presque, la perception ne peut pas faire le tour. Alors vous marchez, mais vous ne courez pas en montagne. Aujourd'hui, beaucoup de gens courent en montagne. Et vous dites que la course à pied que vous avez pratiquée, je crois... Oui, j'ai beaucoup aimé courir longtemps. Vous dites que la course à pied provoque l'intensité. Oui. Elle accroît l'intensité. Alors pour le coup, je n'ai jamais eu envie de courir dans la montagne, même lorsque je courais encore, je préférais la plaine, mais parce que encore une fois, pour moi, dans l'idée de courir lentement, il y a le même effet que celui de la marche, c'est-à-dire une plongée en soi, une concentration. Il y a ce mouvement paradoxal que j'ai toujours du mal à me rendre raison. Mouvement paradoxal qui est de plonger en soi-même, qui permet un rejaillissement vers l'extérieur et qui permet de voir et d'apprécier ce qui nous entoure. Ce mouvement-là, c'est le mouvement même de l'émerveillement. C'est-à-dire à la fois être concentré en soi-même et pouvoir avoir ce regard jaillissant vers l'extérieur. Donc c'est une espèce de plongée et de jaillissement qui est un mouvement paradoxal, qui est la définition de l'émerveillement. Donc il ne faut pas courir trop vite. Voilà, parce que si on est dans l'effort physique, alors on est concentré sur l'effort. Vous écrivez « courir, mais non pas vite, ce serait voler, courir sans hâte, frapper le sol régulièrement, avoir le temps de regarder, jouir de la belle machine qui progresse sans à-coup ». Mais avec force, oui, j'aime avancer debout sur la terre et la sentir si ferme sous mes pieds que ma tête s'échappe aux étoiles. Et c'est ça. Ça suppose qu'il fasse beau. Oui, c'est pour ça que c'est mieux l'été d'ailleurs, en général. Et vous parlez aussi d'un sentiment océanique, en montagne, paradoxalement, en citant Romain Rolland qui écrit une lettre affreuse dans laquelle il définit ce sentiment océanique. Oui, le sentiment océanique, c'est un... Alors, il y a d'autres mots pour désigner ce sentiment, enfin cet état. Il a souvent été décrit plutôt par des mystiques. Il y a des gens qui parlent de mystiques sauvages, de mystiques sans Dieu. Le sentiment océanique, c'est un sentiment très rare qui m'est arrivé trois fois dans mon existence. Et j'en parle ici parce que deux fois, c'était à la montagne. C'est le sentiment soudain qu'on fait partie du tout, qu'on n'est plus un spectateur devant le monde, mais qu'on est dans le tissu du monde, une part prise dans le tissu du monde. Et on perd à la fois le sentiment de soi, le sentiment du temps. On ne sait pas très bien combien de temps dure ce sentiment océanique. Alors je préfère l'expression de Romain Rolland, sentiment océanique, parce que je m'y retrouve mieux dans cette idée de la vague prise dans l'océan du monde et qui correspond mieux à cela. Et ce sentiment océanique, je l'ai éprouvé deux fois en montagne, devant le spectacle de la montagne, une fois devant le spectacle sur le plateau dans Paris, dans l'Oisans, et une autre fois devant les montagnes corses. C'est un sentiment vraiment très très puissant, qui est peut-être d'ailleurs la pointe la plus extrême du sentiment d'émerveillement, de ce type de sentiment qui commence par l'émerveillement, où on regarde admiratif le monde devant soi. Et si on progresse sur cette échelle de l'émerveillement, on arrive peut-être au sentiment océanique où on n'est plus devant le monde, mais dans le monde de la même étoffe que le monde. Vous avez écrit un livre sur l'émerveillement. Oui, j'ai écrit un livre sur l'émerveillement et au fond, la forme du monde, c'est un peu la suite appliquée, si je puis dire, ou traitant de la montagne. Alors je cite justement cette lettre de Romain Rolland à Freud. « Mais j'aurais aimé à vous voir faire l'analyse du sentiment religieux spontané, ou plus exactement, de la sensation religieuse qui est le fait simple et direct de la sensation de l'éternel, qui peut très bien n'être pas éternel, mais simplement sans borne perceptible et comme océanique. » Voilà, c'est comme la manière dont Romain Rolland définit ce sentiment océanique. Alors, moi je le dis tout de suite, je suis athée, je n'ai aucun sentiment de la transcendance divine. Donc ce sentiment océanique, c'est un accès à beaucoup plus grand que soi, c'est-à-dire à la patte du monde, qui est vraiment très touchant pour une athée. C'est-à-dire, tout à coup, on a un sentiment d'être ce petit élément dans le monde. C'est justement un accès à la transcendance hors toute religion. Mais vous parlez d'ailleurs dans le livre du lien spirituel qui vous lie à la montagne. Spirituel. Oui, bien sûr, parce que les sentiments que j'éprouve dans la montagne sont beaucoup plus vastes que les sentiments ordinaires qui me font me mouvoir généralement dans le monde. Est-ce que c'est un rapport avec la littérature ? Vous êtes écrivain et vous dites quelque part que l'alpinisme et la littérature, le fait d'aller en montagne, se rejoignent par le fait que dans l'alpinisme on peut perdre la vie. Alors que dans la littérature, si lente et requérant tant de temps, on peut dilapider sa vie. Oui. C'est-à-dire travailler pour rien. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, j'ai toujours pensé que les écrivains étaient des conquérants de l'inutile aussi. qu'ils faisaient un effort extrême, hein, puisque je consacre ma vie à la littérature depuis 30 ans au moins, si je prends juste la date de publication de mon premier livre. Donc je consacre ma vie à une activité dont je n'ai aucune idée de si elle vaut quoi que ce soit. Si c'est pour faire des livres qui se noient dans le tout venant de la littérature, j'aurais tant d'autres choses à faire. Je pourrais marcher beaucoup plus longtemps en montagne, danser, faire des tas de choses. Et pourtant, je fais ce pari de cette activité, parce que si en revanche, si mes livres valaient quoi que ce soit, ça vaudrait vraiment la peine. Mais je n'en sais rien. Et je crois que la montagne et la littérature ont à voir, pour moi en tout cas, à cause de la temporalité à nouveau qui commande ces deux activités. Moi, je suis un écrivain du long cours, c'est-à-dire j'écris des romans, des essais, des choses qui se développent dans le temps, lentement, qui demandent une régularité. J'écris tous les jours, à peu près à heure fixe, enfin le matin en tout cas. Et dans cette régularité, il y a quelque chose qui me rappelle absolument, enfin qui est pour moi très proche de la marche en montagne. Lionel Terray, qui a inventé cette expression « les conquérants de l'inutile », disait que parfois, en alpinisme, il faut engager la viande, comme il disait. Dans la littérature, non. Non. Alors qu'est-ce qu'on engage ? Le corps-esprit. Le corps-esprit. Et la marche vous aide à écrire ? Non. Non. Il n'y a pas de rapport entre la marche et l'écriture, je veux dire. Il n'y a pas d'effet de la marche sur l'écriture. La marche m'aide à être heureuse de vivre, je dirais plutôt. Hein, c'est une activité qui est pour moi profondément source de bonheur profond. Vous écrivez « La montagne et le cosmos sont les deux lieux dont le spectacle me fait éprouver le sentiment de la durée ». On en a déjà parlé, mais le cosmos, oui, c'est quand même une affaire de physicien. Est-ce que vous intéressez à ce qu'on apprend sur le cosmos ? Le fait que, par exemple, quand on est en montagne, on voit la Voie lactée. Ce qu'on ne voit plus quand on est en ville à cause de la pollution lumineuse. Oui. Est-ce que ça vous semble être quelque chose de dramatique dans l'histoire de l'humanité que désormais on soit coupé du ciel puisque on ne peut plus le voir comme le voyaient les Grecs, par exemple ? Absolument. Je suis consternée par le fait que, je ne sais pas si vous avez déjà vu des espèces de map-monde avec la présence des satellites. Récemment, on m'a envoyé ça. La présence des satellites dans le ciel au-dessus de la planète. On est couvert de satellites. Et j'ai toujours été chagrinée. Mais c'est pas eux qui nous empêchent de voir. Non, mais n'empêche que quand on lève la tête vers le cosmos, et à mon avis, ce lien avec le cosmos qui nous permet de nous inscrire dans un temps très très long, beaucoup plus long que la vie humaine, donc ce lien fondamental est rompu par deux choses. D'une part, par la luminosité, qui en effet nous empêche de voir le ciel, et la pollution lumineuse, et deuxièmement, par la présence d'objets mouvants constants dans le ciel. Moi, ça me dérange cette idée qu'on, quand on lève la tête, on voit se déplacer non seulement des avions, mais aussi des satellites. C'est-à-dire que le ciel est devenu un espace complètement mouvant. Et ce sentiment du temps long qu'on devait avoir, que devaient avoir nos ancêtres lorsqu'ils levaient la tête vers le ciel, et qui est une leçon de vie, qui nous indique notre place dans l'univers, ce sentiment-là est rompu par la présence de tout ce qui bouge et de tout ce qu'on ne voit plus. France Culture, la conversation scientifique, Étienne Klein. Je crois savoir, Belinda Cannon, que vous pratiquez assidûment le tango, dont vous dites que c'est une marche. Oui, je pratique le tango depuis presque 10 ans, enfin un peu moins de 10 ans. Et c'est une, j'aime beaucoup la danse, j'ai toujours aimé la danse, et j'aime beaucoup les danses de couple. J'aime beaucoup faire quelque chose avec quelqu'un. Pas juste m'agiter, j'aime aussi m'agiter sur une piste, mais j'aime beaucoup fabriquer cette œuvre d'art éphémère qui est une danse à deux. Et je l'aime à cause du fait de la connivence qui est réclamée entre les deux partenaires du tango pour arriver à danser, puisque je vous rappelle que c'est une danse d'improvisation. Donc improviser avec un inconnu pendant 3 minutes, une des danses les plus complexe qu'il soit parmi les danses de salon, ça demande une connivence extrême avec l'autre, et c'est ça qui m'intéresse. Et vous dites que c'est de la marche et pourtant c'est complexe. Ah oui, c'est très complexe, mais parce qu'il n'y a pas que de la marche. Mais toutefois, n'importe quel danseur vous dira, le tango est une marche. Et j'ai été vraiment fascinée lorsque tout à coup j'ai pris conscience de... Enfin, je savais que c'était une marche et j'avais déjà entendu ça. Et un beau jour, j'ai pris conscience que moi qui avais fait de la marche, une espèce de figure de mon existence même. Moi, pour qui la marche en montagne, justement, était une métaphore que j'utilisais constamment, soit pour décrire ma littérature, soit pour décrire mon existence, soit pour décrire mes conceptions diverses de la vie et du monde. Tout à coup, je me suis rendu compte que parmi toutes les danses que j'aurais pu choisir, j'ai choisi le tango qui est une marche. Parce qu'en effet, dans le tango, à 80% du temps, on marche. On marche simplement. Mais c'est très difficile de marcher, vous savez. Il faut 10 ans pour apprendre à marcher au tango. Je vais essayer. Mais avant d'essayer, je propose qu'on écoute un tango. Thank you. c'est la première fois qu'on passe un tango dans la conversation scientifique. Celui-ci s'appelle, je crois, Buscandote, qui signifie en te cachant. Voilà, c'est ça. Alors, vous l'avez, c'est vous qui l'avez choisi. Oui, parce qu'on sent bien, selon les tangos, on entend plus ou moins bien le rythme. Et ici, on sent bien que c'est un rythme de marche. C'est pourquoi je l'ai choisi. En fait, il y a de la marche, il y a une sorte d'ondulation. On monte, on descend. C'est une marche avec un peu de verticalité. Avec une grande verticalité. L'idée du tango, c'est garde ton axe. On vous dit toujours, les profs vous disent toujours garde l'axe. Oui, le tango, ça demande une verticalité et de faire pas mal de choses. Parce que donc, à part marcher, il y a aussi des tas de figures qu'on pratique. Et chaque fois, il faut garder la verticalité. C'est la plus grande difficulté du tango, d'ailleurs. Et on y arrive à peu près. Plus on danse, mieux on y arrive. Et on tombe toujours un petit peu. On est toujours un peu déséquilibré, mais on peut le rattraper, et parfois joliment, comme la marche. Je ne sais pas si Antonin Artaud était un danseur de tango, mais en tout cas, il a écrit des choses qui me font penser à ce que vous dites. Il écrit « Le corps humain est une pile électrique chez qui on a châtré et refoulé les décharges, dont on a orienté les capacités et les accents, alors qu'il est fait justement pour absorber par ses déplacements photovoltaïques toutes les possibilités errantes de l'infini. Faites danser enfin l'anatomie humaine de haut en bas et de bas en haut. » C'est pour vous, ça. Magnifique, magnifique. Mais oui, et puis ça nous ramène à l'idée de l'intensité qu'on a évoquée rapidement tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a un corps qui est prêt et qui est fait pour vivre intensément. D'où la désolation devant les trottinettes. On a un corps qui est fait pour bouger, pour danser, pour s'élever, pour se discipliner aussi. C'est-à-dire qu'on peut faire des choses avec le corps. C'est ça qui est intéressant. On peut lui apprendre des choses. Et on peut lui apprendre à trouver le mouvement juste, le meilleur mouvement, le plus parfait, qui permet de faire tel geste, qui permettra d'aller plus loin, quelle que soit l'activité qu'on pratique. Donc il y a tellement de choses à faire avec le corps et qui sont une vie intense du corps, qui est assez négligée par beaucoup de nos contemporains. Finalement, il y a d'un côté les sportifs ou les danseurs, et puis de l'autre côté, il y a tous les sédentaires qui sont de loin les plus nombreux. C'est dommage. Je voulais vous interroger, Belinda Cannon, sur votre définition de la beauté, parce que c'est un mot qui revient souvent dans votre livre. Vous parlez également du corps-esprit. Il y avait cette remarque de Hegel, qui s'est intéressé à la question, et qui dit ceci. Nous croyons pouvoir affirmer que le beau esthétique est supérieur au beau naturel, parce qu'il est un produit de l'esprit. L'esprit étant supérieur à la nature, sa supériorité se communique également à ses produits, et par conséquent à l'art. Donc l'art serait plus beau que la nature. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Non, pas vraiment. Parce que là, c'est vrai, chez Hegel, c'est vraiment la domination de l'esprit. Moi, je crois au contraire que la nature est très belle. À sa façon, c'est d'ailleurs un très grand mystère. Pourquoi est-ce que nous trouvons si beaux les arbres ? Pourquoi est-ce que nous trouvons si beaux les animaux ? Pourquoi le ciel nous met dans cet état ou les nuages ? C'est un grand mystère. Comment se fait-il que nous trouvions si belle la nature ? Je pense que c'est parce que, ma seule réponse, mais elle est vraiment très sommaire, c'est parce que nous sommes accordés à elle. Nous sommes faits de la même étoffe. Et dans cette connivence bizarre entre le monde et nous, naît la possibilité du sentiment du beau. Mais au contraire de Hegel, moi je me suis beaucoup interrogée sur le fait que j'étais bien plus émerveillée par la nature que par la ville, par exemple, ou des objets de la ville. Et je crois que c'est parce que l'émerveillement et donc le sentiment du beau nous vient devant ce qui n'est pas nous. Contrairement à ce que pense Hegel. C'est-à-dire le non-moi, la nature qui est le non-moi, me saisit parce qu'elle est tout à fait, parce qu'elle est autre. Et en même temps, si elle peut me captiver, c'est parce qu'elle est faite de la même étoffe. Donc, mais dans pourtant, c'est rapport, dans la ville qu'on voit, disons, la culture, la civilisation. Parce que dans la ville, ce qu'on voit, c'est juste la production de l'esprit humain. Je dirais, c'est seulement la production de l'esprit humain. Moi est à nouveau face à moi. Moi, ce qui m'intéresse comme sentiment, particulièrement, c'est le sentiment de moi devant non-moi. Et la montagne étant une des manifestations de non-moi la plus frappante, parce que c'est une grande manifestation. Mais est-ce que vous seriez d'accord pour dire que aimer la nature, ça consiste à aimer les paysages naturels et seulement cela ? Ou est-ce qu'il y a une dimension autre, parce que politique, écologiste, disons, qui voit la nature comme quelque chose qui est menacé par l'activité humaine. Bien sûr. Ce qui se voit d'ailleurs notamment en montagne. Bien sûr, où on voit s'effondrer les blocs, on se voit fondre les glaciers, etc. Oui, la nature, ça n'est pas seulement, alors d'un autre point de vue, la nature, c'est la maison commune. C'est-à-dire, c'est ce dans quoi nous passons, qui ne nous appartient pas, dont nous ne sommes pas propriétaires, nous sommes juste des passants émerveillés de ce qui existe. Et à ce titre, nous devrions la respecter absolument. Donc je suis vraiment profondément écologiste depuis toujours d'ailleurs, avant même que le mot n'existe, parce que j'ai été éduquée à penser que nous étions dans la maison commune et qu'on doit respecter la maison commune. Je suis très très très très inquiète et bouleversée par la dégradation de l'environnement. Vous citez d'ailleurs dans votre livre Le contrat naturel de Michel Serres. Oui, très intéressant. Quelles leçons vous en tirez? Est-ce que la nature a des droits ou est-ce qu'on a des devoirs simplement vis-à-vis d'elle? Je ne voudrais pas tomber dans une version du rapport à la nature assez récente qui attribue à la nature une âme, aux animaux, une continuité entre les hommes et les animaux, etc. Je ne suis pas du tout de ce côté-là. Je pense qu'il y a les hommes dotés d'un cerveau qui fait qu'ils sont très différents de ce qui les entoure, des animaux notamment, mais aussi de la nature. Donc je ne prête pas d'âme à la nature, mais je pense que nous avons, ne serait-ce qu'à l'égard des générations futures, le devoir de la respecter. En ce sens, elle pourrait être, comme le propose Michel Serres, elle pourrait être un sujet de droit parce que elle est ce que nous allons léguer aux générations suivantes et donc, à ce titre, nous devons la respecter. Et demander qu'on respecte la nature et en faire un sujet de droit, c'est aussi penser aux générations futures. C'est la science qui nous apprend que l'homme a un impact sur l'environnement et sur la nature. Quel est votre regard sur la science? Est-ce que vous vous intéressez à elle ou est-ce que c'est un paysage lointain pour vous parce qu'il n'affecte pas directement votre activité d'écrivain? Disons que je ne suis pas une scientifique, c'est-à-dire que je n'ai pas de savoir scientifique, mais je trouve que la science est émerveillante. La science, c'est ce qui nous permet de comprendre, d'appréhender, de saisir le monde. En ce sens, une partie de la science, quand elle s'intéresse à comment l'univers fonctionne, est absolument fascinante et émerveillante. Après, il y a une science qui a été instrumentalisée, qui est mise au service d'une utilisation, justement, d'une captation des ressources et du monde naturel qui, évidemment, me paraît tout à fait dommageable. Mais moi, je n'ai pas de savoir scientifique, mais je trouve que la science, c'est vraiment une manifestation de l'humanité merveilleuse. Il y a un auteur américain, je ne sais pas si vous connaissez, qui s'appelle Ralph Emerson, qui est un romantique, qui disait que la nature seule nous donne l'élan pour penser juste. Est-ce que la nature, notamment celle qui se montre en montagne, vous semble être quelque chose qui aide à penser, ou est-ce qu'au contraire c'est l'émotion qui est activée par le spectacle qu'elle offre? Je dirais que, enfin, je suis presque étonnée parce que je ne pense rien qui soit absolument séparé de la nature. Je veux dire, il n'y a aucun moment où ma pensée oublie que je suis intégrée, que je suis assimilée et intégrée dans le monde naturel. Donc la nature est là, elle est autour de moi, elle est dans mon esprit, je la recherche, j'essaye d'être immergée le plus souvent possible dans la nature, donc elle n'est pas différente, distincte de moi. Dans votre livre, dont je rappelle le titre, La forme du monde, vous citez à la fin des textes d'auteurs comme Giono, Simone de Beauvoir, à propos de leur expérience de la nature, de la montagne, notamment Simone de Beauvoir, qui raconte les randonnées qu'elle faisait du côté de Marseille quand elle était jeune. Oui, je dois dire que c'est un principe de cette collection Versant intime dans laquelle les auteurs font des entretiens ou des essais sur la montagne et puis ensuite commentent un certain nombre de textes, font des lectures montagnardes. Donc je me suis livrée à l'exercice et notamment oui, j'ai voulu citer Simone de Beauvoir et une autre femme d'ailleurs parce que la montagne n'est pas vraiment un lieu de femmes. Ce sont plutôt les hommes qui se sont traditionnellement emparés de la montagne, majoritairement emparés de la montagne. Et donc j'avais assez vite dans l'histoire de l'alpinisme des femmes. On voit les dames. Oui, on a toutes ces belles photos de Chamonix avec les dames avec leurs grandes robes en train d'essayer de passer au-dessus des crevasses. Bien sûr, il y a eu des femmes, mais j'ai l'impression que la littérature, par exemple, de montagne, est plutôt le fait d'hommes. D'abord, l'alpinisme est le fait d'hommes, et puis enfin a été longtemps le fait d'hommes. Aujourd'hui, on a des femmes tout à fait remarquables, mais voilà, c'est quand même un domaine un peu plus réservé aux hommes. Donc j'avais envie, dans les lectures montagnardes, de citer des textes de femmes. Et dans le cas de Simone de Beauvoir, ce qui est très intéressant, c'est que chez elle, je reconnais quelque chose qui est aussi mon cas. La marche en montagne est comme le prolongement naturel de son désir de vivre. Elle est dans cet enthousiasme, dans cet élan qui se convertit toujours chez elle en marche. C'est un extrait de son livre « La force de l'âge » qu'elle a publié, je crois, en 1960. C'est vous qui le dites. Sûrement. Vous savez, je suis un peu fâchée avec les dates, donc j'avais oublié la date exacte. Et puis un texte de Giono aussi, magnifique. Oui, « Regain ». Très beau texte. Alors là, j'ai un peu triché parce que le Regain, en l'occurrence, se passe sur un plateau et pas vraiment sur une montagne. Mais un plateau, c'est quand même un paysage de haute altitude. Hein. Et d'ailleurs, quand Giono décrit le plateau, il y a de la flore de montagne, etc. Mais chez Giono, qui a beaucoup parlé des Alpes de Haute-Provence ou des Basses Alpes, enfin, leur nom change régulièrement, il y a vraiment une présence de la montagne, même si elle est modeste. Mais après tout, moi, je dis bien que je ne cherche pas forcément les sommets tibétains. Hein. Quand je vais marcher, j'essaye de monter, bien sûr, mais la petite montagne m'intéresse aussi, la moyenne montagne m'intéresse aussi comme type de paysage et comme pratique de la marche. Et chez Giono, il y a ces très belles descriptions constamment de la montagne qui sont un trait dominant de ces paysages. Quel est votre rapport à l'effort? Parce que la montagne, par définition, c'est pas plat. Il y a des côtes. Et j'aime beaucoup qui emballent le rythme cardiaque et qui font, quand on pratique les sentiers dont vous parlez en été, par exemple, on voit des gens souffrir. Absolument. On voit des gens abandonner. Oui, c'est bizarre d'ailleurs, parce que moi qui suis tellement propagandiste du bonheur, je dois reconnaître que j'aime beaucoup l'effort et qui parfois s'accompagne d'une sorte de souffrance, oui. Il y a un moment d'épuisement dans lequel il va falloir chercher d'autres ressources pour pouvoir continuer, qui font partie de l'effort de la montagne. Et j'aime l'effort. Probablement parce que est lié à l'effort l'intensité. C'est pas le seul mode de l'intensité, n'est pas que l'effort, mais dans l'effort il y a de l'intensité. Le corps est sollicité, des réserves, des ressources du corps sont sollicitées, qui ne le sont pas si on ne fait pas d'efforts et de grands efforts. Donc oui, j'aime beaucoup l'effort. Puis on découvre grâce à lui qu'on peut faire des choses qu'on n'imaginait pas pouvoir faire. Donc il est révélateur des pouvoirs du corps. Exactement. Vous citiez Spinoza tout à l'heure. Hein, on ignore ce que peut le corps. On ne sait pas jusqu'où on peut lui faire faire D'ailleurs, Spinoza a été commenté par Deleuze qui disait « Ce que peut ton corps, ça n'est pas ce qu'il peut en tant que corps, c'est ce que tu peux toi. » C'est ça. C'est le corps-esprit. Corps-esprit, exactement. Qu'avez-vous fait comme randonnée récente qui vous a enthousiasmé? Je suis allée dans le Valais, dans le Val des Reims, que j'ai traversé pendant 6 jours, donc en Suisse, où la montagne est particulièrement belle et préservée. C'est une montagne vraiment très très réjouissante du fait de sa beauté. Beaucoup, beaucoup de fleurs. J'aime beaucoup les fleurs et la flore des Alpes est vraiment très belle et très variée. Et en Suisse, elle est vraiment belle. Alors Jacques Roubaud a inventé un néologisme qui est « nueur ». Regardez les nueurs, les heures nues. Regardez le passage du temps qui est modifié par le fait qu'on est devant un spectacle, disons très beau ou sublime. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous comprenez ce qu'il veut dire par là? Oui, je crois que ça n'est pas exactement dans mes compétences. Parce que je ne suis pas une contemplative. Et ce nueur me semble être quelqu'un qui est plutôt dans la contemplation. Chez moi, la contemplation accompagne l'effort, plutôt. Et accompagne le faire quelque chose. Donc, dans la montagne, ce qui m'intéresse, mais c'est pour ça que je parle si souvent de la marche, c'est pour ce rapport absolument singulier entre l'effort réel, parfois même très violent, et puis une forme de contemplation de ce qui nous entoure. Ce que permet la marche, c'est simultanément l'effort et la contemplation. C'est rare d'avoir ces deux-là, parce que d'habitude, soit on est arrêté, on contemple, soit on est dans un effort violent, et on ne pense qu'à persister dans l'effort. La marche, c'est à la conjonction des deux, et c'est ça qui m'intéresse, avec la possibilité d'être plongé en soi-même. On pense beaucoup dans la marche, et on se tait, bien sûr. Le silence est un élément capital de la marche, et une forme de solitude aussi. Vous préférez marcher seul, dites-vous dans le livre. Oui, ça permet ce que vous appelez, c'est un mot que vous inventez, une centration. Oui, c'est ça. C'est toujours... pas la même chose que concentration. Non, mais encore que ça ait à voir, parce que la centration permet la concentration. Mais c'est quelque chose qui obéit à ce même mouvement bizarre que je décrivais tout à l'heure pour l'émerveillement, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir se replier en soi-même pour pouvoir être plus présent à ce qui nous entoure. Et c'est une façon poétique d'habiter le monde. Et la marche permet cette... se permet d'habiter poétiquement le monde du fait de cette centration et qui est aussi une perception de l'extérieur plus intense et plus vive que dans l'état ordinaire. Vous dites que vous préférez marcher seul, mais que vous marchez rarement seul. Pour quelle raison ? Parce que j'ai peur. Parce que j'ai peur des rencontres ? Oui, j'ai peur des rencontres. Je suis une femme et les femmes vivent dans un monde dans lequel elles sont souvent la proie, ou elles sont parfois, en tout cas, la proie de prédateurs. Et donc, par une espèce de trouille que j'ai toujours eue, enfin, je suis plutôt peureuse, en fait, dans les lieux isolés. Dans la ville, je n'ai pas peur, bizarrement, parce que j'ai un fond d'optimisme qui fait que je compte sur mes semblables pour me défendre, si besoin est. Mais dans la montagne où je suis seule, j'aurais peur d'être seule, donc je marche toujours avec une personne, jamais plus. Et quel est votre rapport à la mer ? Parce que finalement, on rapproche souvent la montagne et la mer, le fait que les tempéraments s'y ressemblent, les marins ressemblent aux alpinistes. On dit parfois même qu'ils écrivent de la même façon, avec un langage très précis. Oui, je n'ai pas de... J'aime beaucoup nager. Voilà, vous dites que les récits de mer sont beaucoup plus variés que les récits de montagne. Et oui, parce que par la mer... Les écrits des alpinistes, c'est toujours la même histoire. On monte, on descend, on galère, on aime bien. On décrit toujours la même chose, l'effort pour arriver quelque part et en repartir, souvent. Tandis que les récits des marins sont des récits qui ouvrent vers l'ailleurs, ce que ne fait pas vraiment la montagne, et qui sont source d'aventure surtout. On prend la mer pour aller découvrir des mondes nouveaux, pour vivre des aventures dans ce monde, dans le vaste monde. Dans la montagne, on est quand même concentré, outre la beauté dont on a beaucoup parlé maintenant, tous les deux, mais on est concentré sur l'effort. Tandis que le marin n'est pas vraiment concentré sur l'effort, même si longtemps, pour faire avancer le bateau, il a fallu beaucoup d'efforts. Mais le marin va quelque part, il se rend quelque part, et il attend de découvrir des paysages nouveaux, des personnes nouvelles. Il va vraiment ailleurs. Pas l'alpiniste. Le problème de l'ailleurs n'est pas un problème d'alpiniste. De marcheur non plus. Oui, on ne va pas en haute montagne pour rencontrer des personnes, puisque personne n'y vit. Oui, mais à peine, si je me rends dans une île lointaine, je vais découvrir un paysage que je n'ai jamais imaginé, que je n'ai jamais vu, etc. En tout cas, ça a longtemps été vrai. Aujourd'hui, on a un peu tout vu par avance, malheureusement, grâce aux images. Mais pendant longtemps, les marins sont allés à la découverte du monde. Pas les alpinistes, ils ne vont pas découvrir le monde. Mais vous dites, Belinda Cannon, que votre rapport à la mer est lié à vos origines également. Le fait que vous êtes née, je crois, en Tunisie. Oui, je suis née en Tunisie, j'ai grandi à Marseille, donc je suis vraiment liée à la Méditerranée. Ma famille vient de Sicile, de Corse, donc je suis vraiment profondément liée à la Méditerranée. Et bizarrement, je n'aime pas tant que ça la mer. Je l'aime pour y nager, mais comme spectacle, je ne suis pas fascinée par la mer. Et alors que la montagne, oui, me fascine, et c'est assez curieux que j'ai finalement découvert la montagne assez tard, enfin vers 16 ou 17 ans, c'était vraiment une découverte, et que ce soit elle qui me requiert vraiment, et pas la mer. Alors que si vous parlez avec ma mère, elle vous dira que pour elle, être près de la mer, c'est fondamental, et en revanche, la montagne l'oppresse, l'angoisse. Donc voilà, je n'étais pas vouée à la montagne, et finalement... Vous dites que vous aimez nager dans la mer avec vos bras et vos jambes, mais pas barboter. Oui. Donc c'est la marche dans la mer qui vous intéresse. Exactement. Beaucoup plus que... Oui, c'est toujours cette idée d'effort, de déplacement, d'avancer. C'est ça qui me plaît. Encore une fois, c'est d'activer le corps, de lui donner une activité qui est en fait un plaisir. Voilà, vous avez des choses que n'avait pas Chateaubriand. Mais vous dites également que vous avez du mal à vous reconnaître comme chez vous dans un endroit particulier. Oui, je me sens de nulle part. J'ai l'impression de... Je suis en France, mais j'aurais pu être en Italie, puisque mon père était italien il n'y a pas si longtemps. J'aurais pu être ailleurs. J'ai vraiment le sentiment de n'avoir aucune terre qui soit la mienne. et qui se couple avec ce sentiment de la maison commune, mais qui est la planète entière, au fond. Ou l'Europe, vous l'évisez comme... Oui, je me sens vraiment de culture et de civilisation, même européenne, et j'aime beaucoup l'Europe, l'idée de l'Europe et de notre civilisation. Et ça, c'est le seul sentiment d'appartenance que j'ai. Mais vous voyez que, de ce fait, il n'est pas vraiment lié à la Terre, même si l'Europe est une Terre, mais c'est une Terre si vaste que je me sens culturellement européenne et je me sens absolument française par la langue française, mais aucun lieu qui soit vraiment chez moi. Il n'y a pas d'endroit où mes ancêtres seraient enterrés, où mes ancêtres auraient combattu, etc. J'ai un sentiment de grande liberté et de non-enracinement, si ce n'est dans la culture européenne et la langue française. France Culture. La conversation scientifique par Étienne Klein. Je vous ai présenté Belinda Cannon comme étant professeure de littérature comparée. Qu'est-ce que c'est, la littérature comparée ? La littérature comparée, c'est une façon d'approcher la littérature qui permet de mettre en relation, de confronter en fait. Comparer, c'est un terme un peu restrictif. Au fond, il faudrait mieux parler de confrontation, qui permet de confronter des littératures d'où qu'elles viennent et quelle que soit leur époque de fabrication. Donc pour moi, c'est très intéressant la littérature comparée. Je suis très heureuse d'être comparatiste, comme on dit, parce que c'est vraiment une manière de se promener dans les siècles et dans les cultures différentes et de faire des rapprochements, d'établir des rapprochements qui sont très fructueux. En l'occurrence, quels sont les auteurs dont vous êtes spécialiste ? Je crois que vous avez travaillé sur Zola, Balzac. Oui, non. Au départ, j'étais 18e plutôt et je connaissais mieux le 18e siècle, Rousseau, Diderot. Et puis finalement, en devenant comparatiste, j'ai élargi mon champ de... Vous savez, j'aime tellement d'auteurs et à travers les siècles que ça m'est difficile de me limiter. C'est vrai que j'ai une affection particulière pour le 18e siècle. Mais les étudiants qui choisissent la littérature comparée, en quoi sont-ils différents de ceux qui choisissent la littérature ? En réalité, la littérature comparée fait partie de l'enseignement de littérature française. C'est une des, souvent, dans la plupart des universités, c'est pris dans l'enseignement des lettres modernes. Et les étudiants, en tout cas, je peux vous dire qu'ils aiment beaucoup la littérature comparée parce que je crois qu'ils ont ce sentiment qu'on se promène à travers les cultures et aussi parce que nous travaillons en fabriquant des programmes et qui posent des questions intéressantes, des problématiques intéressantes. Est-ce que la littérature de Montaigne, on en a un peu parlé, mais est-ce que ça fait partie des choses qui vous intéressent ou est-ce que vous lisez des livres qui racontent la marche ? Il y en a beaucoup qui sortent en ce moment d'ailleurs, des livres qui font l'éloge de la marche, écrits par des philosophes ou par d'autres. Est-ce que ça vous... Oui, un petit éloge de La Marche en Plaine, par exemple, de Gustave Roux, qui vient de paraître. J'aime beaucoup les évocations de la montagne, c'est pour ça que je mentionnais Giono, qui est quand même un de mes auteurs fétiches. J'ai mentionné aussi dans mes lectures montagnardes Marlène Haushofer, qui est un auteur qui a écrit en 63, puisque vous voulez des dates, qui a écrit Le Mur Invisible, qui est une robinsonnade post-apocalyptique qui se passe dans la montagne, dans les montagnes autrichiennes, et où la montagne est très présente. Voilà, donc là, je combine. Il y a d'ailleurs un écho à l'idée du mur de Berlin. Bien sûr, 63, on vient de construire le mur de Berlin, donc j'imagine qu'elle a imaginé que elle est prise, l'héroïne, puisque c'est une femme, est prise dans un paysage, en fait, dans un endroit de la montagne. Qui est entouré brutalement en une nuit d'un mur invisible qui la protège probablement des radiations, de bombes qui ont tout tué la vie autour d'elle. Donc voilà, c'est un paysage de montagne et aussi une robinsonnade. J'aime beaucoup les robinsonnades. Donc voilà, c'était aussi un texte intéressant sur la montagne. Sylvain Tesson, vous le connaissez, j'imagine. Un petit peu, il écrit que l'alpinisme ou le fait d'aller en montagne est une manière de régler le problème de l'absurdité de la vie en lui opposant un comportement d'une absurdité supérieure. C'est très joli. Alors, pour cette question de l'absurdité me touche beaucoup parce que je pars de là. C'est-à-dire, pendant longtemps, j'ai pensé aussi, comme Sylvain Tesson, que la vie était absurde. Et effectivement, quand on se demande quel est le sens de la vie... Il n'y a pas de réponse, surtout si, encore une fois, on est athée. Et donc, la vie n'a pas de sens, donc elle est absurde. Et puis un jour, j'ai compris, et ça n'est pas sans lien avec la marche, un jour j'ai compris que se demander quel était le sens de la vie est une mauvaise question. que le sens de la vie, c'est simplement le désir de vivre. Que le désir est la réponse. Oui, vous écrivez « Le désir est la réponse en acte à la question du sens ». Voilà, exactement. Donc, en fait, la vie n'est pas absurde. La vie est ce désir en acte, et la marche est une manifestation de ce désir en acte. Pourquoi est-ce que vous avez appelé votre livre « La forme du monde » ? Eh bien, lorsque je me marchais dans le Valais, justement, il y a quelque temps, en montant sur un versant, une montagne qui était donc sur le versant opposé a commencé à m'apparaître dans sa forme. J'ai vu soudain la forme de cette montagne. Et tout à coup, j'ai réalisé qu'une des merveilles de la montagne, c'était que tout à coup, le monde prenait forme. Habituellement, lorsque nous marchons en plaine, nous avons l'impression que la terre est un support que nous ne percevons même pas, un support qui est sillonné de routes, qui porte des forêts, des villes, etc. Mais juste une surface plane, oui, amorphe. Et alors qu'en montagne, au contraire, on voit apparaître des formes, on s'aperçoit que le monde a des formes. Et c'est ça un des émerveillements de la montagne, c'est de voir surgir ces formes. Donc c'est pourquoi j'ai fini par appeler ce livre « La forme du monde ». C'est étonnant parce qu'Einstein avait comparé le fait d'élaborer une nouvelle théorie physique au fait de monter sur une montagne, de contempler le point d'où on est parti, un village par exemple, avec un point de vue complètement différent qui change le rapport qu'on a avec ce point de départ. Mmh. Il faut s'écarter pour se rendre compte de la topologie et du chemin qu'on parcourt. Ce qui est une vérité générale de la pensée, c'est dès qu'on fait un pas de côté, et peut-être encore mieux si on fait un pas en hauteur, on aperçoit soudain autrement l'objet de la pensée. Est-ce que c'est quelque chose qui fait que lorsqu'on marche en montagne, on revient dans un état différent de l'état dans lequel on était au moment de partir ? Est-ce que c'est systématique ? Est-ce que ça change le rapport au monde à chaque fois ? Je ne sais pas si ça le change complètement. Je veux dire, je ne crois pas qu'on soit autre quand on est rentré, mais on a traversé une expérience qui est une expérience de joie profonde, éventuellement donc aussi d'émerveillement. Et le fait d'avoir traversé cela nous donne le sentiment de la vie intense, d'être intensément humain, d'être vraiment humain. Et par cette jouissance du monde et de nous-mêmes que nous venons de traverser. Je ne crois pas que ça change, ça nous élève. Vous savez, c'est comme la musique ou comme la lumière. Vous avez remarqué que lorsqu'il fait beau, on a l'impression d'avoir une autre sentiment de soi-même et surtout une autre façon d'habiter le monde. La lumière transforme incroyablement notre état intérieur. La musique aussi. Parfois, lorsqu'on est un peu triste ou abattu, on écoute la belle musique et on a le sentiment de s'élever au-dessus de soi-même et d'oublier ces petits tracas qui finalement n'étaient pas grand-chose. Et on a une perception de soi-même différente. Et chaque fois, c'est des manières de s'élever. Et la montagne, concrètement, nous permet cette élévation. C'est-à-dire qu'on sort des petits tracas de ce qui nous avait arrêté, de ce qui nous encombre, au fond. Et on s'élève. On est hors de soi. On est au-delà de soi-même. Belinda Cannon, c'est une banalité de dire qu'on est tous devenus des téléspectateurs. Nous voyons des images de montagne, des photos en grand nombre. Est-ce que, à votre avis, ça change le statut des paysages ? Est-ce que ça ne conduit pas à ce qu'ils perdent un peu de leur aura ? Oui. C'est surtout, le monde nous devient très familier du fait qu'on le voit constamment, qu'on a constamment des images, et on aimerait tellement être étonné. Parce que, pour s'émerveiller, il faut défamiliariser le monde. Et précisément, les images, le flot d'images, nous empêche cet étonnement qui nous permet l'émerveillement. En même temps, justement parce que ce n'est pas que le regard qui est engagé dans la montagne, mais le corps-esprit tout entier, le fait de marcher, de n'être pas seulement contemplatif, mais le fait de marcher fait que le résultat est différent d'un simple regard. Donc bien entendu, il y a une expérience de la marche qui de toute façon est irremplaçable. Mais c'est vrai que je regrette aussi que plus rien ne nous étonne vraiment. Vous tenez votre livre dans les mains, j'ai l'impression que vous avez envie de lire quelque chose. On pourrait terminer comme ça. C'est le dernier chapitre du livre. Géantes minérales et monstres colossaux, glaciers sonores et bleus glissant dans le désordre de leur sérac, profusion des végétaux, des animaux qui nous fuient et où nous observent prudemment, ces cornes de bouquetin aperçues sur le sommet qui dominait le col des Roux au-dessus du lac des Dix. Privilège d'être en relation avec un monde si fastueux. Chance inouïe d'en saisir la forme. Quelle mauvaise solitude, la nôtre, dès qu'est négligée cette donnée capitale, nous sommes des êtres en relation. Rien ou si peu lorsque nous nous replions en nous-mêmes, réduits à notre isolement narcissique, privés de la conscience de l'entour. Mais vaste comme l'univers quand nous déployons la pelote de nos mille tentacules délicats vers l'or de soi. Gloire au cerveau si, cessant de le considérer exclusivement comme le siège d'une intelligence technique, on l'entend comme le réceptacle de l'univers, ainsi que le fait Emily Dickinson. Je la cite. « Le cerveau est plus spacieux que le ciel, car, mettez-les côte à côte, l'un sans peine contient l'autre, et vous, de surcroît. » Nous sommes en train de prendre acte d'une modification dans la conception du sujet humain. Il n'est pas seulement en relation avec les autres, humains, mais encore avec l'univers lui-même, depuis son souffle sur notre peau jusqu'aux plus lointaines étoiles, en passant par les montagnes, les fleuves et les bêtes. Merci Belinda Cannon pour avoir accepté notre invitation et aussi pour cette lecture qui montre que la montagne aide à prendre ce que vous appelez conscience de l'entour. Et puis vous m'avez convaincu que la vie est trop courte pour être petite et qu'on ne saurait se contenter de gravir les colonnes de Buren. Merci à vous. Merci. C'était la conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Thierry Bouchamp, à la technique Valérie Lavalard et à la réalisation Thomas Jost. Tout de suite, c'était dans quelques instants, nous retrouvons Christophe Onodibio pour le temps des écrivains.